necesito a mí. Dame el fuego, papi. Po pas pe de control și doar automatic mă pomen. La mâine nu se game, să-mi fie oblie mes problèmes. Soir, je suis dans ma west. Rapa, rapa, soir, je suis dans ma west. Rapa, rapa, soir, je suis dans ma west. Je viens de me casser la TC. Trop de blèmes qui les tournent dans ma cape et ça le vérifie, donc je remets. À minuit, je suis déjà dans un sale état. Au volant d'un gros bolide, je fais le tour. Je m'arrête dans la ville toute la soirée. Et les gens pensent que je suis chez tout. C'est l'effet du jack et du rush d'amener. Bébé veut que je lui fasse des mômes. Bébé veut que je l'amène chez Cartier. Je me demande comment faire des loups. M'en fout de savoir comment elle s'appelle. Money, money, money, money. On se plaint pas tant qu'il y en a. Je me souviens plus que j'ai fait la veille. Oh là, oh là. Soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans le contrôle, je suis dans l'automatique, me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Bébé, faut pas que tu m'harcèles. Je vais te feinter comme CR7. Tes copines elles sont pas mal. Moi mon équipe ils ont la recette. Pour 10 millions, pour me sentir vivant. Ma 10 millions, moi je suis encore vivant. C'est des grosses sommes, ouais j'ai tout pris. Ils ont le seum, je les vois tout petits. On se mise à Hawaïenne, on veut le monde. Tu fais la gueule, on les met à la mode. Kousi Kousa, le poteau et tu sors. On va fêter ça, paparam. Dans la cabeça. Au pastel de contrôle, je suis dans l'automatique, me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Je suis dans l'automatique, me promène. La monnaie nous égare, mais ça me fait oublier mes problèmes. Soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Papa, papa, soir, je suis dans ma west. Soir, je suis dans ma west.